Arrive un seigneur sur le point de s'exiler. Après avoir flatté Arlequin, il lui fait croire que Flaminia va épouser un de ses petits cousins, et il s'en va. Sylvia et Arlequin se retrouvent avec plaisir, mais chacun à leur tour signale qu'ils sont intéressés par une tierce personne. Et quand Flaminia retrouve Sylvia, elle déblatère sur Arlequin pour que Sylvia ait moins de scrupules à retrouver le monsieur officier qui l'a courtisé.